Ce lundi à Assemblage requis, la chronique politique de François Landry, on introduit les petites mythologies de Martin Bertrand, je vais retenir mes blagues sur le mot introduit, et il y aura aussi la chronique technologique CNX. Tout ça dans Assemblage requis, lundi, 15h.